Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire pour le rock progressif. Ce soir, on a une émission spéciale sur Wobbler, un des groupes qui a présenté probablement un des meilleurs albums de l'année, enfin, de l'avis de plusieurs. Et puis, un groupe que j'ai eu le plaisir personnellement de voir à l'œuvre sur scène à trois occasions, dont deux dans le cadre du festival Terra Incognita. Et pour ceux qui ont assisté au concert, je pense que, mon Dieu, de 2018 à Terra Incognita, c'est un des concerts mémorables du festival en 15 ans. Et donc, ce soir, étant donné qu'ils ont présenté un album assez inspirant, merci. On y va avec un spécial 1h30 avec Wobbler et on a eu un petit coup de main de la part de Lars, le claviériste du groupe, qui va nous présenter les pièces. Donc, on y va avec Lars et Wobbler. Thank you, Michel, and welcome to tonight's Wobbler special. We'll go back to the beginning of the band in 1999 and start out with a song I made when I was 17 years old, which is kind of strange to think of now, more than 21 years later. This is from our first demo recording and first release back in 2003. It's called Leprechaun Behind the Door. And yes, there's a nod to Frank Zappa in that title. We'll be right back. continue with another song from that early period back in 1999, which was a very creative period. Just in a matter of months, we had made the material for the first two albums, actually, and of course the demos. And this one was on our debut album from 2005, Rubato Industry. Thank you. We'll be right back. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. De la virtualité. Une série d'échanges sur la littérature québécoise numérique produite par les productions Rhizome. Dans cette série, nous réfléchirons aux enjeux entourant la création, la reconnaissance, la découvrabilité, la pérennisation ainsi que la littératie numérique. Ce mercredi 20 janvier de 10h30 à midi, c'est la reconnaissance de la littérature numérique qui sera mise de l'avant. L'écrivain Daniel Canty parlera de son essai écrit pour l'occasion, publié sur productionrhizome.org. Cet échange, animé par Simon Dumas et Myriol Lehmann, sera transmis en direct sur la page Facebook de Rhizome. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Et on poursuit avec le spécial Wobbler. Le groupe s'est fait connaître début des années 2000, 2003 pour être précis, en mettant sur son site 2 pièces qui sont disponibles sous le titre de « Démo ». Et puis, ça a attiré l'attention d'une maison de disques américaine, Laser Edge, pour ne pas la nommer. Et finalement, le groupe s'est retrouvé en 2005, premier concert aux États-Unis, dans le cadre du Near Fest. Et le groupe lançait à cette occasion le premier album Interland. Et Lars me racontait quelques années plus tard que lors de ce concert, le groupe avait vendu quelque chose comme 200 ou 300 albums d'une traite. Il était très impressionné. Et ben, l'histoire après a révélé que, bon, même si les gens à l'époque comparaient le groupe à Anglagarde, bien, le groupe a réussi à forger sa propre identité. Et maintenant, un des chefs de file du prog norvégien et mondial. Mais je vous laisse, on continue donc, et je vous laisse avec Lars. Next up is the song In Orbit from our third album called Rites at Dawn, which was released in 2011, which is many years after the material for the first two albums. So this is kind of a progression where we had we were not teens anymore, but perhaps more mature and wiser, maybe, not sure. Okay, let's take a listen. Thank you. voice in the dark. A hand outstretched towards a spark, grasped a form, a shape, a circle is great. Inside a sphere, around and round towards the size, flowing. Yes, new song from the album From Silence to Somewhere, which was released in 2017. This is something we jammed together, the whole band. We met up at Andreas, the vocalist's place. Lots of snow outside, as far as I remember. And I remember thinking, you know, we are not capable of making good music anymore. It was very frustrating. And we went inside and started jamming, and this is what happened. So it turned out we had some more to offer after all. So that's good. Here's Fermented Hours. We'll be right back. Next out is the song A Fairy's Play, also from Rites at Dawn in 2011. Here we go. Yeah. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Savez-vous qu'à la Maison de la famille de Québec, située à Limoilou, des intervenants qualifiés sont disponibles pour vous offrir des services d'écoute téléphonique et de consultation individuelle de couple ou familiale? Peu importe les difficultés que vous vivez en ces temps d'incertitude, la Maison de la famille de Québec est là pour vous soutenir et vous accompagner. Contactez-nous au 418-529-0263. 418-529-0263. Troisième et dernière portion du spécial Wobbler, je tiens à remercier Lars Frédéric Freusley qui a contribué à cette émission et qui a, mon Dieu, répondu à un temps record. On a pu monter l'émission assez rapidement et ça a été un grand plaisir. Donc, je vous laisse avec Lars. We are in 2017 again on the album From Silence to Somewhere and the song Foxlight, which was also jammed by the band basically. The intro, Andreas had the main chords and idea, then I had some old harpsichord parts laying around, as well as actually the middle part is a very old black metal part which turned into prog rock, and the rest of the song is just spontaneously made up on the spot by everyone, so it's a very good way to make music, I think, and fun way. Here's Foxlight. Yeah.

Now a rather new song called By the Banks from the new album Dwellers of the Deep from 2020. Actually, it's the basics of the song is from 2011, so it's right after Rites at Dawn. So it's actually predates From Silence to Somewhere, where I had made most of the stuff except the vocal parts and the lyrics, which Andreas made. And yeah, here's By the Banks. We'll be right back.

Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Concentrez-vous sur ce qui vous passionne pendant que les experts en comptabilité de la SEDEC s'occupent de la saine gestion de vos finances. Voici des exemples de nos services à la carte. Tenue de livre informatisée, conciliation bancaire, service de paye employeur D, rapport de TPS et TVQ. Gagnez du temps. Contactez notre équipe en comptabilité afin d'évaluer vos besoins en finances. cedecdequebec.qc.ca. ckrl.qc.ca. Dernière demi-heure de Terra Incognita et on va aller faire un tour du côté de l'Italie pour cette dernière demi-heure, du moins pour la première partie. On va amorcer avec le nouvel album de Pier Paolo Bibo, un artiste pas très connu dans du monde du progressif italien. Un premier album paru en 1980 et qui a pour titre Diapason. Il a été réédité en 1994 par Mellow Records et c'est là que bien des gens l'ont découvert. C'est son quatrième album, je vous disais, donc, qui a pour titre Rasa Humana. Et ça va être suivi de The Rome Project, de l'album Beaten Paths, Different Ways. C'est un album assez récent. Et, en fait, je pense qu'on parle peut-être d'un mois. Et ben, c'est, ça va être nos deux premières pièces de ce bloc. Dei deserti. Hello, da questo mare imperscrutabile. We'll be right back.

sia concesso agli antichi la facoltà di rendere più auguste le origini della città. Coup d'œil dans le rétroviseur cette semaine, on a le groupe Fatal Fusion, un groupe, je dirais, mascotte quasiment de l'émission. Je pense que tout le monde les aime. Et je dis coup d'œil dans le rétroviseur, mais en même temps, c'est une nouveauté. C'est nouvelle édition, remaster de leur tout premier disque qui était difficile à trouver ou introuvable depuis plusieurs années, Land of the Sun. Il a été remasterisé. Et je peux vous garantir qu'il y a une bonne différence. J'ai comparé les deux et c'est vraiment un beau travail. Donc, Land of the Sun qui devrait être relancé le 22 janvier et disponible pour la toute première fois en vinyle. C'est déjà le temps de vous quitter et je vous invite, comme à chaque semaine, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute dans quelques instants et revenez-nous la semaine prochaine. To judge me, but I don't really care. You are here to kill me. You have come to end your great despair. change what I'm about to become. I don't know if I can see past all the things left undone. You are quick to judge me and say I'm a freak. You have come to hang me, getting your revenge is what you see. Can't you see? Cette émission est disponible en balado-diffusion. Unis par les ondes. C-K-R-L-O.